Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. On recevra un joueur de, ou une joueuse de la Luître avec nous pour parler d'improvisation. Laurent Constantin viendra nous jaser de l'actualité de l'UQTR avec son voyage au centre du campus. On écoutera de la musique pour étudier avec Maxime Tanguay. Assemblage requis commence maintenant. Bonjour, bienvenue à Assemblage requis en ce lundi 18 novembre 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. On t'en dirait des studios de Six Fois à Trois-Rivières. Salut Jean-Philippe. Salut Mathieu. Bon lundi matin. Oui. Ça commence bien. Oui. On aime ça. Il y a un micro qui est tombé pendant que tu t'assoyais. Ben, ouais. Est-ce que tu as vraiment eu le temps de le rattacher depuis que tu t'es... Oui. Ça fait comme 10 secondes qu'il est tombé, non? Ah, il y a une... Je suis un vrai changeur de pneus à Formule 1, moi. T'es comme un Lucky Luke de la radio. Du mic. Du mic. De tout ce qui est phallique. Oui. Donc, passez une belle fin de semaine. Oui, très bien. Ça va l'air super fake comme rire. Oui, vraiment. Les précieuses ridicules. Donc, oui, il y a une belle fin de semaine musicale. Oui, sur ces réactions bizarres. Oui, musicale, t'allais voir Patrick Watson. Oui, puis David Marin. Puis hier, c'est les gamiques. Bah, ben voyons donc, arrête. C'est inarrêtable. Veux-tu qu'on en parle tantôt? Oui, on va en parler. OK, on va en parler. Oui. OK. Aujourd'hui, à l'émission, t'es on va... T'es cute. Oui, si. Vous êtes flatté, man. Parle-moi de toi. Je vais te parler de l'émission d'aujourd'hui à la place. Parfait. À 8h, on va avoir la chronique de la Luître. Dans les coulisses de la Luître, on va parler avec Magali Colin Mimo. Magali Brousseau-Arcan, c'est son nom, on lui parle tantôt. On a aussi Laurent Constantin, lui c'est à 8h30 avec Voyage au centre du campus. On parlait d'actualité cutérienne. Et puis à 9h, Maxime Tanguay. Et j'ai tout le temps pour une chronique, ça c'est évidemment la chronique où il nous propose de la musique pour mieux étudier hein, tout au long de la session. C'est tout qu'un plan. Tout qu'un plan. Tout qu'un plan. Qu'un, puis on va même tantôt faire aussi un fait. Oh mon Dieu. Fait que... Tu sais, ouais. Il m'en disait pas plus, non? Ben, ça rentre pas. C'est ce qu'elle disait hier soir. Ça rentre pas. Jour du dimanche. Oui. C'est comme si ça arrivait tous les dimanches. C'est ça. Comme une horloge. Oui. On débute notre émission en musique avec Summerland. Voici juste un peu trop. C'est aussi ça qu'elle a dit hier. C'est juste un peu trop. Et c'est douloureux. Ah. Tu vas trop loin. Tu vas trop loin. Oui, je sais. Okay. On coupera tout ça. Oh, circoncision du montage! Ton corps, par-dessus ton corps.

But the tide smashes all my best laid plans to sand. And there's always someone to say it's easy for me. But I revenge myself all over myself. There's nothing you can say to me. You never held it at the right angle. You never held it at the right angle. Catch a, catch a, catch a, catch a falling star. Wash your hands of it. Catch a, catch a, catch a, catch a falling star. Because you can't hold it. Is it cause I'm a girl? If I puked up some sonnets, would you call me a miracle? I'm gonna go where my urge leads no more. Swallowed waist deep in the gore of the forest. A boreal feast, let it finish me please. 'Cause I've revenged myself all over myself. There's nothing you can do to me. You never held it at the right angle. You never held it at the right angle. Catch a, catch a, catch a, catch a falling star. Wash your hands of it. Catch a, catch a, catch a, catch a falling star. Because you can't own it. You never held it at the right angle. You never held it at the right angle. You never held it. You never held it. You never held it. You never held it. Oh, la trompette buccale! Oui, ouais, heureusement que tu as dit trompette buccale parce que les gens auraient pu s'y méprendre. C'était Nico Casey, Night Still Comes à Assemblage Requis. Comme on n'a pas de chronique de la Luitre aujourd'hui, encore une fois, on va y aller avec une petite chronique maison qu'on fait pas trop souvent, mais quand on la fait, on l'aime bien. Voici Ajoute ça à ton agenda. Ajoute ça à ton agenda, c'est notre petite chronique art et spectacle quand on n'a pas de chronique art et spectacle à faire. Oui, qui mais est en fait, c'est ajoutez ça à ton agenda. Non, mais c'est parce que ajoute ça à ton agenda veut dire ajoute le prochain spectacle que tu verras de Patrick Watson à ton agenda. C'est pour ça que le titre fonctionne à l'avance. Et à chaque fois que tu me dis, ah, oh, mais attends un peu, c'est déjà passé, ça marche pareil, man. C'est vrai. Ça veut dire, va sur leur site web et regarde le prochain show de Patrick Watson et mets-le dans ton agenda. Mais c'était long comme nom de chronique, je trouvais. Fait que... Ouais, non, c'est correct. C'est correct. Mais écoute, je vais te parler de ma fin de semaine, en fait, Mathieu. Oui. Puis c'est rajouter à ton agenda. Il y a des fois, tu vas voir, je vais mettre des nuances sur ajoute, ajoutait. Hein, tu vas voir. Il y en a que tu aimerais mieux ne pas mettre à ton agenda, c'est ça? Non. On s'en reparle. Okay. On s'en reparle. Je te ferai des bémols, des trémolos à ce moment-là. Vendredi, ouais. J'ai eu la chance d'aller voir David Marin, ouais. Okay, au Marin. Centre culturel Pauline Julien. Oui. C'était excellent. Okay. Vraiment. On en a parlé la semaine passée. Ceux qui sont fidèles à l'émission, à l'émission l'ont vu venir. Hein? C'était pas une surprise qui était là. Vraiment un booking assez... comment je dirais ça? Visionnaire. Parce que c'est sa première de sa tournée. David Marin au Centre culturel Pauline Chien. Puis on avait la chance de l'avoir ici pour sa première en full band. Donc, mm-hmm. Ils étaient quatre. Donc, drummer, guitariste, bassiste et David au chant. Matelot, capitaine. Tout le monde était là. Tout le monde était à bord. L'équipage était présent. Mais vraiment, écoute, c'est un mélange. J'essaie de trouver à quoi ça me faisait penser. C'est pas quelque chose qui me faisait penser à quelque chose qui est connu. Mais c'est un genre de mélange. Il est cute comme, mettons, Fred Pellerin. Dans sa présence. Dans sa présence, okay. sa prestance aussi. Un peu ses anecdotes. C'est un petit coquin, je trouve. Quand il présente ses chansons, souvent, on comprend pas en tout où il veut en venir. Okay. Puis quand il commence à chanter sa chanson, là, tu fais comme « Aha! » OK, je comprends. Parce qu'à un moment donné, il s'est mis à compter que... il s'est mis à parler... Il habite Laval, David Marin. Et puis, il parlait des gens qui installent leur abri Tempo. Puis que... Et il se demandait pourquoi les gens mettaient pas la toile tout de suite sur les abris Tempo. Juste le frame. Oui, le squelette. Oui, c'est ça. Et puis, finalement, bon, tu sais, écoute, il en jase. Finalement, il finit par dire que c'est juste parce qu'il y a une règle municipale qui empêche d'installer l'abri Tempo à partir du avant une telle date. Et le squelette compte pas. Le squelette compte pas. Il y a juste la toile qui compte. Okay. Puis là, tu fais comme off. Okay. C'est logique. C'est une anecdote parmi tant d'autres. Puis finalement, ben, il chante sa chanson Abri Tempo. Ah oui, ben oui. Tu fais comme, ben oui, pourquoi j'y ai pas pensé? Donc, tu vois, c'est un peu le genre donc il nous amène dans son univers. C'est assez le fun. Et puis, on a eu la chance d'avoir trois chansons de lui, de son premier album, okay. qui nous a joué acoustique en plein milieu de la salle, là, sur un petit tabouret. Là. C'était très le fun. Très convivial, très feutré. Mm-hmm. Donc, vraiment un spectacle à aller voir. Il commence sa tournée, donc c'est sûr que vous n'avez pas d'excuses de le manquer. Vraiment une belle énergie. Quatre musiciens qui ont juste du fun ensemble, puis qui font vraiment, qui livrent une bonne marchandise. Cool. Donc, David Marin, son album s'appelle Le Choix de l'Embarras. Et lui, on peut l'ajouter à son agenda parce que c'est encore en spectacle. Oui, tout à fait. D'accord. Donc, spectacle à aller voir, comme je disais. Merveilleux. Ensuite, est-ce qu'on écoute David Marin en premier? Après? On a le temps. Ah, oui, on a le temps. Je pense qu'on devrait même prendre plus de temps que prévu. Oui, mais écoute, ça vaut la peine. Toi qui es fan de jeux de mots, oui. Son album est vraiment rempli au complet. C'est pas un album à première écoute, okay, tu fais « Ah oui, ok, il y a quelques jeux de mots », puis finalement, tu te rends compte que toutes ses paroles sont assez, assez recherchées, là, un peu à la, justement, Fred Pellerin qui aime bien jouer avec les mots. Cool, le colloquial, des trucs comme ça. Donc, à découvrir. Cool, qu'est-ce qu'on écoute de David Marin? Passe-moi l'album. Si je te passe l'album, faut que tu me dises le numéro de la pièce. Ouais, aucun problème. on est habitué assez fou d'écouter Le Vent Vire. Ouais, c'est la pièce du palmarès en ce moment. Ouais, donc on n'ira pas écouter ça. Je te propose à la place à l'abri du tempo. Qui était la chanson qui fait référence à son anecdote que j'ai citée. Donc, 2, 4, 6. 6, Mathieu. Je suis prêt. David Marin, tout de suite. Puis après ça, on parle de l'autre spectacle que tu es allé voir en fin de semaine. T'es occupé, toi? C'est une grosse fin de semaine. Ouais. Ça va te garder vivant. Hein? Ouais. Toujours vivant. Tes blues passent plus d'import. Je porte la chemise d'une entreprise qui prend le monde pour une valise. L'économie qui sodomise et dévalise le monde à journée longue. Je place du stock sur des tablettes, bien enligné devant l'étiquette. Je roule trop vite pour la planète qui est plus carré que ronde à journée longue. Et quand tombe la nuit, je reviens à l'abri. Son char à ici, mais je prie pour qu'il me laisse partir plus tôt. David Marin avec À l'abri du tempo. Quelle bonne chanson. C'est vrai que c'est bon. Oui, donc si vous avez apprécié, ben, allez le voir en spectacle. Vous allez sur son site internet. David Marin, c'est pas bien compliqué. Oui, allez lancer l'ancre. Oui, Marin. C'est ça. C'est ça. Puis chercher Goliath. Oui. David et Goliath. David et... Ah, c'est... oui, drôle. Ouais. Drôle. C'est toujours Ajoute ça à ton agenda où on vous propose des affaires une fois de temps en temps à aller faire des petites sorties comme ça culturelles. Et parce que ben, la raison, c'est que Jean-Philippe est allé voir des choses en fin de semaine. Oui. Sauf que celui-là, si je comprends ce que tu m'as dit tantôt, c'est que peut-être que vous ne pouvez pas l'ajouter à votre agenda techniquement. Ben, écoute, oui et non. En fait, c'est là le petit trémolo que je te rajoute. C'est que samedi, je suis descendu ou monté, là, je me souviens jamais, à Granville, Montréal. C'est dirigé en direction de... Oui, c'est ça, vers là-bas. C'est ça. Ouais. Donc, je suis allé voir Patrick Watson. Et puis, c'est avec l'orchestre... Oh, je pense que c'est l'orchestre d'amour. L'eau fraîche. Oui, non, mais c'est un nom spécial. Je me souviens plus pourquoi. C'est un mélange de l'orchestre symphonique de Montréal et de l'orchestre métropolitain. Ils ont formé un orchestre là, pour justement pour la prestation de Patrick Watson. C'est comme un super orchestra, comme il y aurait des super bands. Là, oui, c'est ça, exactement. Puis ils ont des super skills. Oh oui! Donne-moi des Mookie Watson. Ah oh, ouais, peut-être. Ouais. Demandez-moi Mookie Watson. Hein? Okay. Okay. Je poursuis. C'est du Céline Dion. Ouais, connais tes classiques? Mais non, je connais pas. Je n'aime pas tant. Non. donc, spectacle qui avait lieu vendredi, samedi et dimanche uniquement. C'était à l'église Saint-Jean-Baptiste. L'église Saint-Jean-Baptiste. Oui, exactement. C'est sur la rue Rachel. Vraiment une magnifique église là, qui est, je pense, assez habituée à faire des, à recevoir des spectacles comme ça, quand même, d'envergure. Là, c'est 2500 places. Qu'il y a dans l'église. Et puis vraiment, une belle restauration. Déjà, tu sais, dans l'ambiance de l'église, là, c'est vraiment très cool. Et puis quel spectacle incroyable, là, vraiment, là, du Patrick Watson. Ben, je sais pas si t'es fan de Patrick J'aime Watson. J'aime beaucoup ce qu'il fait, oui, oui. Moi, je capote sur cet artiste-là. Okay. Je trouve que c'est vraiment... c'est un prodige, là, je trouve, musicalement. Là, borderline fou. Borderline schizophrène. Oui, non, c'est ça vraiment. Là, il entend de la musique des autres. Qui vit dans un monde, je suis pas sûr qu'il vit dans le même monde que nous. Mm-hmm. Mais c'est tant mieux pour nous, hein, parce qu'on peut en profiter simplement en l'écoutant à la maison. Donc, vraiment un spectacle qui valait la peine. Avec, c'était 60 musiciens de l'orchestre, 40 choristes et évidemment le band de Patrick Watson. Et puis, il nous a fait vraiment un bon medley, là, je pense, de ses grands classiques. Toutes ces chansons sont réarrangées là, évidemment pour pouvoir fitter là, avec l'orchestre. Ça fait 3 ans, je pense, qu'il travaille là-dessus. Quand même, donc il l'a fait à Québec. Puis là, c'était une question de date avec l'orchestre. Il faut que les musiciens, mmh. C'est quand même pas mal de monde à gérer. Là. Mais est-ce que tu penses qu'il y a des chances qu'ils en fassent d'autres éventuellement, si jusqu'à c'est pas annoncé encore ou ça fait longtemps qu'on l'attend. Je te dirais, puis. D'après moi, ça n'arrivera pas dans la prochaine année. OK. Sûrement. Là. Mais tu sais, il y a des spectacles classiques quand même là, de Patrick Watson, même que classique, c'est bizarre là, parce que c'est jamais classique. Non, avec Patrick c'est jamais Watson. La même formule à chaque fois. Genre, non, c'est ça. Il aime ça, changer les choses, ouais. Innover, réarranger ses chansons. Mais dans cette formule-là, dans une église, je pense que c'est peut-être pas demain la veille, mais... je pense que ça a été capté. Ah ah, DVD prochain peut-être? Peut-être. Et c'était pas annoncé. On a quand même spoté une coupe spotted église Saint-Jean-Baptiste. on a capté pas mal de micros dans la salle, donc pour prendre l'ambiance et tout. Il y avait quand même pas mal de caméramans, puis on était juste samedi. Ouais. Théoriquement, je pense qu'il le ferait le dimanche, là, quand tout le monde est bien rodé et tout. Donc, vraiment un spectacle incroyable. Si vous l'avez raté, ben, tant pis. J'espère, en tout cas, qu'il va être disponible soit en version live ou tout simplement en version DVD ou streaming, là, je sais pas. Blu-ray, ben Netflix. Oui, mais maintenant, le name it, là, je sais même plus quoi nommer. Là. Mais vraiment, c'est ça. Donc, on peut peut-être aller en écouter une chanson. Bonne idée. Tu nous as choisi une pièce de son plus récent album. Oui, qui est Adventure in Your Home Backyard. Puis c'est dans son album. Puis c'est le nom de la toune. Chanson-titre. Puis c'est Patrick Watson qui chante. Écrite par Patrick Watson. Oui. Combien de temps? 4,51. Ben, super. Plaisir. 12 steps into your backyard. Through tall green grass and into the wild. And if it rides. In your own backyard. C'était Patrick Watson avec Adventure in Your Home Backyard. Donc, on peut s'imaginer, imagine cette chanson-là, mais avec 60 orchestres. 60 orchestres, oui. 3000 personnes ouais. juste dans le band. Oui, c'est ça. Incroyable. Non, c'est ça. Donc, vraiment, spectacle hallucinant. Fallait être là. J'espère, pour ceux qui l'ont raté, qui auraient voulu y aller, qu'ils vont refaire un concept de même. Avec Patrick Watson, c'est tout le temps, tout est possible. Ça va peut-être être même encore plus grandiose la prochaine fois. Oui. Qui sait? Il a mis la barre haute. Oui, comme toujours. Génial. Patrick Watson, et c'était dans la chronique, ajoute-toi à ton agenda, même si on peut techniquement pas ajouter ce spectacle-là. Oui, puis j'en ai un autre, Mathieu. T'as une autre affaire, comment ça se Est-ce qu'on a le temps? Mais on a le temps en masse, sérieux. Bon, ben go. Moi, écoute, je me lance les bras ouverts vers toi. C'est sûr que tu gardes pas un ton, tu manges mon cœur, genre? Ah, je vais trouver d'autres choses. OK, parfait, vas-y, garde-toi. Oui, c'est ça. Donc, c'était fin de semaine musicale, hein, comme je disais. Oui. Puis, écoute, ça, je pense que c'est tout à fait d'adon qu'on parle de ça ici, assez fou. Hier, c'était les Gamic. Oui, ben oui. Qui est le gala alternatif de musique indépendante du Québec. Oui. Hein, le nom le plus simple, dont plusieurs ici animateurs assez fous ont participé au vote donc qui étaient membres du jury là, pour les lauréats 2013 hein. Je sais pas si tu as entendu un petit peu parler ou on pouvait l'écouter en streaming. J'étais supposé d'aller le voir live hier. C'est dimanche, ça commence à 20h puis ça finit vers les 11h. Et puis, écoute, en fin de journée, il était à peu près rendu 5h de l'après-midi. Puis j'étais là, oh, tu sais, il faisait la température pluvieuse et maussade qu'on a ces temps-ci. Et puis, j'ai fait, oh, de revenir à Trois-Rivières, tu sais, à 1h30 d'auto, dépendamment, je réussis à me stationner où, dans Montréal. Mettons, 1h30 d'auto, j'arrivais ici, il va être, à Trois-Rivières, il va être 1h, j'anime demain matin. Je vais être fatigué. T'en as assez manqué jusqu'à maintenant. Ouais, c'est ça, exactement. Puis celle-là, je ne l'ai pas prévue. Donc, tu vas te fâcher. Donc, il était possible de l'écouter en streaming via la page Facebook de BRBR. Donc, je me suis dit, ben on va rentrer tout de suite. C'est moins de trouble, en plus. Oui, c'est ça. Écoute, c'est pas pareil. C'était la première année qu'il faisait en streaming. OK. C'était intéressant. Il y avait des petits pépins niveau audio. Dépendamment, je sais pas comment ils ont capté le son pour le streaming. De temps en temps, c'était un peu désagréable. Rien de majeur. C'est même les gros galas, des fois, qui ont des problèmes. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, c'est un gala où les employés sont bénévoles, tu sais, ouais. Le gimmick, là. Donc, c'est pas, c'est certain qu'on n'a pas les budgets de la disque où tout est synchronisé au quart de tour et bien rodé aussi. C'était quand même la 8e édition du gimmick. Donc, ça avait lieu à la Plaza. Saint-Hubert, écoute, le nom exact, la place là, m'échappe complètement. La Plaza de la Mauricie. Shawinigan. Attends un peu, là, je peux peut-être te le retrouver en 3 secondes. Théâtre Plaza, tout simplement. Okay. Pourquoi chercher loin quand c'est si simple? Donc, on a eu quelques bonnes prestations. Moi, je pense que je vais plus peut-être nommer les gens qui ont gagné, que j'étais très content. Là-dedans, il y a Kate Kuna. Qui a été un peu le perdant de la disque, qui a été quand même un bon gagnant, je pense, du Gamic, qui a gagné Chanson de l'année, bon, avec Batiscan. Je pense qu'il avait gagné également la chanson Socan de Debois. Et puis, il a également gagné l'auteur-compositeur de l'année. Je pense qu'il était amplement mérité. Là. Les gens étaient très, très, très contents là, de le voir gagner enfin un prix là, puis pour lui. Là. C'est ça. Mes déceptions. En fait, j'ai une déception. Les Sœurs Boulées. Artiste de l'année. Come on. Je sais pas, hein. C'est très, très passager, il me semble, pour moi, Les Sœurs Boulées. Mais bon. Ben, c'est très aussi l'année passée, je trouve. Oui, OK, il oui. Il me semble qu'ils l'ont gagné l'année passée. Ça, peut-être pas artiste de l'année ou, mettons, relève de l'année ou espoir de l'année. Je me souviens plus exactement. Mais je suis content pour elle. J'étais content pour elle, mais je ne suis pas nécessairement content pour de vrai. Tu n'as pas sauté de ton divan. Non, c'est ça, exactement. Spectacle de l'année, Gros Méné. Ah, OK, j'ai pas vu en spectacle, mais c'est bon musicalement. C'est les gars de Galaxy, entre autres. Oui, exactement. Donc, que j'ai jamais eu la chance d'aller voir en spectacle non plus. Donc, qui a quand même gagné Spectacle de l'année. C'était assez intéressant. Pour les gens qui sont peut-être à la maison aujourd'hui, là, les chanceux, le vidéoclip de l'année a été gagné par Avec pas de casque pour la journée qui s'en vient et Flambant neuf. Ah, cette chanson-là me tape ses nerfs. Ouais, mais est-ce que tu as vu le vidéoclip? Non. Moi non plus. OK. Donc, c'est... Mais est-ce qu'on voit les vidéoclips de genre... On a tendance à pas aller voir les vidéoclips qu'on ne connaît pas. Oui, ou de chansons qu'on aime moins. C'est ça, exactement. Ouais, donc le vidéoclip d'Avec pas de casque a été réalisé par Joël Vaudreuil. Donc, qui se sont mérités le vidéoclip de l'année. Mm-hmm, mm-hmm. Révélation de l'année, peut-être tu vas être content, Mathieu, Groenland. Ah, cool, oui. Okay. Donc ici, quand même, qui ont été dans les palmarès. Je suis en train de prendre en réserve des affaires qu'on pourrait écouter à la fin de la chronique. Mais écoute, il y en a tout plein. Un autre aussi qui nous intéresse peut-être plus ici ce matin, c'est EP de l'année. C'est Foxtrot qui l'a gagné. OK. Petite déception de ma part. De mon côté, j'aurais aimé ça que Mauve gagne. Ouais, je trouve que c'est vraiment un très très bon album, Mauve, qui a vraiment eu des... On en a parlé dans la carte postale de Simon. Le Faux du soir, le nouvel album le plus récent. Oui, exact. Très donc, si vous avez raté cette carte postale-là, vraiment une très bonne carte postale qui était mercredi. Oui. Donc, si vous voulez l'écouter en balado-diffusion, très intéressante. Donc, c'est ça, c'est Foxtrot qui a gagné. Moi, je suis un peu déçu. Kiki, OK, peut-être celui-là, je ne sais pas si tu vas être content, Mathieu. Album humour de l'année. Il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait Sexe illégal, okay. Les Appendices, puis un groupe que je ne connaissais pas du tout. Et puis c'est Les Appendices qui ont gagné. Bon, je me serais attendu à Sexe illégal, on dirait tellement tout le monde en parle, mais bon, quand même, c'est Danny Janvier qui va être content pour Les Appendices parce qu'il en fait jouer beaucoup. Oui, j'étais très content aussi pour eux. Ils sont très drôles. Ouais. On les a vus en entrevue après. Ils sont mourants. Là. Ils sont vraiment très drôles. Des enfants dans le cœur. Et puis, écoute, je vais peut-être avec un dernier. Album pop de l'année a été également gagné par Groenland. OK. C'est ça, pop. Je sais pas trop s'ils étaient contents d'avoir ça, là, mais ils l'ont eu. Puis, album rap à La Claire Ensemble qui ont gagné. T'aimes ça, ça? Je trouve ça particulier, mais c'est assez... En show, c'est débile. En spectacle, on les a vus à la tournée Sirius, je pense. Est-ce que tu étais arrivé à ce moment-là? Non! Vraiment, des gens qui ont trop d'énergie. Ils ont quand même bien assuré l'animation. C'est jamais facile, je pense, le gimmick, puisque c'est justement, ça n'a pas le budget des autres. Et puis, je veux mentionner Dance Lurie Dance, qui était le house band, si on veut. C'était épique, vraiment. Je sais pas si tu connais un peu Dance Lurie Dance. Ils sont venus comprendre aujourd'hui, mais non. Mais écoute, à l'UQTR. Oui, ils sont venus à l'UQTR dans le cadre du carnaval. Écoute, je pense que ça fait... Là, mettons, on est à l'édition 2014, 2013, 2012, en 2011. Okay. Ils sont venus à l'UQTR. C'est des gars qui sont mongols, tout simplement. Là, je me souviens que il avait fait faire du body surfing à une fille qui c'était sa fête. Il avait donné du Jager, Jager Master, puis il fallait qu'elle enverse dans la bouche de tout le monde. Finalement, tu te retrouves juste couvert de Jager. Puis, tu sais, c'est leur genre. Il faut que ça soit trash. C'est important que ça soit vraiment, vraiment trash. Et puis, ils ont tellement bien assuré leur rôle de house band. Ils ont repris chaque gagnant, chaque chanson des gagnants. Ils ont pris une toune. Et puis, ils l'ont fait à la façon Dance Lurie Dance. Donc, vraiment un rock... et puis t'aurais adoré leur reprise de Par le chignon du cou des sœurs Boulet. Ah, c'était épique là, je me pouvais plus tellement que c'était drôle et bon là, c'était... Je sais que Tire le Coyote a aussi gagné pour album country, j'imagine ça en version de Stern. Oui non, c'était assez incroyable, puis le chanteur m'a fait tellement rire parce qu'à un moment donné il a essayé de chanter du gros méné. qui est quand même, c'est pas aussi évident là. Ça va, j'étais déjà assez rock à la base. Hein. Oui, c'est ça. Puis pas rock électro. À un moment donné, il a voulu pousser la note, puis il a juste arrêté en faisant wow! Écoutez, je pense que j'ai une baisse de pression, je tiens plus sur mes jambes. Je suis ben trop chaud. Il est allé s'asseoir, puis il a continué à boire sa bière. Il était vraiment dedans. Ils ont, je pense, volé un peu la vedette de l'animation. De mon côté, là, c'est... Ben, tant mieux, c'est cool. Oui. Ça prend quelque chose de marquant dans un gala comme ça, parce que sinon, ça peut être sec un petit peu. Ça. Oui, c'est ça peut être sec, mais c'est pas un gala qui se prend vraiment au sérieux. Non, donc, c'est très, très, très, très, très le fun à écouter. Puis, nouveauté cette année, avec la gang de BRBR, il y avait le After Show. C'est tellement plus cool de le dire en anglais. Ben oui. Il y avait le Après Show. Après spectacle. Oui, c'est vrai. Après spectacle. Qui avait deux animateurs, dans le fond, qui nous présentaient les artistes. Puis, Sur le web, ça. Toujours sur le web, c'est ça. Une formule intéressante. Puis, justement, ils ont eu en entrevue les gars de Dance Lurie Dance. Et puis, malheureusement, je peux pas en parler. C'était trop, trop trash. Mais j'ai ri. Et on a vu des photos de gens tout nus. On a vu des gens après un spectacle, je pense qu'ils se sont couchés un petit peu trop sous. C'était incroyable. Mais ça, la diffusion web, il y a des archives de ça? Ou pas? Je n'ai... Je voulais le savoir. Mais ça peut prendre plus de temps que juste le lendemain matin. Oui, c'est ça. Je sais vraiment pas. On va aller voir ça. On va aller voir, on vous tiendra au courant. J'ai cherché hier, en fait, parce que je me doutais bien que j'allais en parler. Mais j'ai pas vu aucune mention que ça allait être disponible après. Il fallait le vivre en direct. Ouais, peut-être sur les YouTube. Peut-être. Bref, on va suivre ça. Et donc, c'était les Gamic hier soir, dimanche. Oui. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Hey, écoute, ça fait plaisir. J'ai réussi à faire un bon 35 minutes. T'as vraiment réussi. T'as très bien fait ça. On a le choix entre une pièce, je me disais, soit Groenland ou Sons. Allons-y avec Groenland. Ils ont gagné deux bons prix. Là. On va les féliciter. Et est-ce que tu te rappelles de la pièce? C'était Daydreaming, je crois. Il me semble que c'est la pièce sur le palmarès. Bref, écoutons Daydreaming. Je trouve que ben bon. C'est donc Groenland sur leur album The Chase. Assemblage requis sur C'est fou. Thank you. C'était Groenland et Daydreaming. Au retour, Laurent Constantin et voyage au centre du campus à Assemblage Requis. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage Requis. Bonjour, vous êtes toujours à Assemblage Requis en ce lundi 18 novembre 2013. Il est Jean-Philippe Charbonneau. Et il est Mathieu Plante. Oh oui, c'est notre deuxième heure d'émission, genre un petit peu en retard. Ça va être courte, celle-là. Hein? Ben, j'ai eu la parlotte. C'est ça, ben c'est bon, ça. On n'arrêtait pas de parler. Ben, c'est ça, jacasse comme des vrais pis, toi. Ben oui, un vrai perroquet. Des vrais perroquets. Veux-tu des nouvelles? Veux-tu des nouvelles du campus? C'est un perroquet qui... Voici Voyage au centre du campus. Que t'es en retard. Ben oui, mais j'attendais que vous le finissiez pour le répéter. JP est un écho de nous, c'est oui, ça? Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Bon matin, Laurent Constantin. Ben, bon matin, Mathieu. Bon matin, JP. Salut, salut. Je suis content de te voir. J'ai été heureux d'être annoncé par un perroquet ce matin. C'était la première fois. Je suis pas un imitateur, comme on le remarque. Donc, Laurent Constantin, tu parles d'actualité du campus, comme toujours, dans ta chronique. Et là, cette semaine, tu ne lis pas l'article de ton disons, le campus parce que tu fais ça aux deux semaines. Puis là, t'es comme dans la semaine entre les deux. Oui, c'est ça. Je suis à l'entre-semaine. À l'entre-semaine. L'entre-semaine. J'ai cherché un mot longtemps et ça, c'est-tu un vrai mot? Je viens d'inventer ça. Ça semblait aussi. Si, moi, je dis la semaine alternative. La semaine? Ah, c'est bon ça. Ah. Aux deux semaines, mais pas celle-là qui est la même que d'habitude. Ouais. C'est l'autre. La d'accord. Semaine en pendaison, on pourrait trouver. En pendaison, d'accord. En jachère. Ah, oh, c'est bon. La semaine en jachère. La semaine en jachère. C'est les fermiers, ça. Hein, les. Oui, ils laissent reposer les textes pour mieux les cultiver. Ah, d'accord. On m'a mis en friche cette semaine. Hey, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce sentiment-là en tant que chroniqueur, en tant qu'animateur de radio. De se dire, voyons, il y a tout le monde dans la rue qui vont me reconnaître un moment donné ou qui vont m'envoyer un courriel, là, qui vont me dire, hey, j'aime bien ton émission, ou tu sais, t'as dit une blague, c'était bien drôle. Je serais déprimé si je pensais à ça, il me semble. Ben, ça arrive. Je sais pas si c'est peut-être le fait que je sois un chroniqueur novice, mais au début, je me disais, là, ça fait comme 2, 3, 4 articles que j'écris, puis. Ils sont où mes commentaires? Il n'y a pas de commentaires. Et où ma valorisation? Là, au début, je me dis, ah, je vais amener des journaux à mes amis dans mes cours, là. Okay. Ils vont me donner des nouvelles, je disais, hey, puis mon article, je ne l'ai pas lu. Ah, j'avais justement un article. Je savais que moi, j'avais un article. Tu t'es créé un faux compte, laisser des commentaires sous le nom de Serge sur le blog. Je vais les lire, c'est ça? Non, non je me commande pas moi-même quand même. C'est pas comme. Je sais pas si vous connaissez l'histoire un peu de Paulude. Les premières fois qu'il a fait de la radio, il y avait une émission, lui, tout seul, okay. Pendant 4 heures de temps. Paul Hood in the Hood. Londres. Et Paul Hood in the Hood. Et je pense qu'il a fait une biographie de lui-même. Toute l'émission, tellement il n'y avait pas de contenu, il ne savait plus quoi dire. Aïe, aïe. Parce qu'il appelait, dans le fond, à toutes les 15 minutes. Il disait, bon, ben, on a une ligne, ligne ouverte, puis nous appeler. Il n'y a personne qui a appelé de toute la soirée. Il se pinçait le nez comme ça. Bonjour, mon commentaire, c'est pour Paul, tellement bon. Oui. Il a fait environ... une heure avant l'émission de radio, donc après 3 heures de show, il a enfin un appel. Yeah! Il est assez heureux. Il y a quelqu'un qui va lui parler pendant à peu près 45 minutes, qui a booké finalement le restant de son émission, qui ont parlé d'un peu n'importe quoi, de sport. Il met fin à ça, il est heureux, il a eu au moins son appel. Souper de famille suivant, son frère dit « Hey, as-tu aimé mon appel à la radio? » Non, c'était pas toi. Ben ouais, je me suis pris pour un autre. Je t'ai pris en pitié, fait que je t'ai appelé. Ah, fait que... Oh non! Pensez qu'on est bien hot, mais non, c'est son frère qui prend pitié de nous. C'était Gilles Hood, qu'on appelle Gilles Hood. Comme Gilles Hood. Ben, c'est vrai que ça pourrait être Pierre Hood. Pierre Hood est le frère de Paul Hood. Oh! L'animateur de radio. Non, pas du tout sa voix, mais celui qui. L'animateur! C'est celui qui a annoncé le Canadien, la F1 aussi, c'est lui, Pierre Hood. Il a un petit accent français. Ah ouais? Il se donne un petit accent français. Comme ouais. Pascal Bussière. Mais non, y penser pendant longtemps, je serais peut-être capable de l'imiter, mais à matin, ça ne sort ça pas. Ça ne marchera pas. Ouais, c'est comme le perroquet. Merci. Oui. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait un article sur la Charte des valeurs québécoises. Oui. Puis là, je me disais, ça va choquer, il va y avoir des réactions, puis ça a pris du temps. Les gens, faut leur donner un petit délai quand même. Hein, oui. C'est la lecture d'un journal qui sort aux deux semaines. Oui. Il y a deux semaines pour le lire. Fait qu'ils vont le prendre le 14e jour et le lire plus tard encore. Ah, mais moi, souvent, ça me prend vraiment le 14 jours. Ouais. Même, je le prends le premier jour, puis je le finis, puis j'en prends un autre, là, dans le fond. Finalement, j'étais curieux de voir des gens dans mon entourage, mais juste du monde dans les couloirs de l'université. Hey, Laurent, je savais pas qu'il y a du monde à l'université qui s'intéressait à ça. Je savais pas encore plus qu'il y a du monde qui s'intéressait et qui était pour cette charte-là. Fait que je suis content d'avoir ce point de vue-là dans un journal indépendant. T'sais, on a vu des médias des fois. C'est le fun, ça. Puis aussi, vous avez peut-être rappelé un article que j'avais fait sur l'Assemblée générale qui portait aussi sur la charte. Il y a quelqu'un qui avait amené ce sujet-là à l'Assemblée générale. Et cette personne-là m'a croisé dans le corridor, en fait, au conseil d'administration de la GQTR et m'a dit « Hey, Laurent, j'aimerais pouvoir te parler tantôt, si c'est possible. » Là, je dis « Pas de problème, on va se parler tantôt, on va attendre la pause. » Et finalement, il est parti avant la pause. Ah, bon. On s'est jamais parlé, mais on s'est dit « Hey, ça suscite l'intérêt, mes articles. Presque assez pour en parler. Oui. Presque pour en parler. Un autre article que j'avais écrit sur la désaffiliation de l'Association des étudiants du Michel Sarrazin, qui a pris du temps, ça aussi, encore à débouler. Mais un mois plus tard, on a vu Anne-Julie Durocher. AJ on the Rocks. Se présenter en conseil d'administration de la GQTR en disant « Hey, comment ça se fait qu'on a des nouvelles de ça? On apprend ça par des médias, dans les couloirs, ça jase, mais que le conseil d'administration de la GQTR n'en parle pas. » On sait pas que c'était si prioritaire. Mm. Ouais, mais les gars, dans le journal, ils parlent d'un état de crise. à eux d'en juger, je sais qu'il y a eu une petite crise dans les couloirs du Nérib au chemin ces derniers temps. Là, ça sera à suivre. Et finalement, transport en commun, l'article que j'ai écrit dans... Le plus récent. Eh bien, j'ai reçu un petit message. On m'a rajouté un petit groupe de pression pour pouvoir se présenter en force aux assemblées publiques de la STTR, donc le service de transport de Trois-Rivières, pour exiger un représentant des usagers étant un étudiant qui utilise souvent le transport commun, parce qu'actuellement, il y a beaucoup la critique. Le représentant des usagers, c'est un vieux monsieur de 75 ans qui n'utilise pas le transport en commun, qui a tout le temps sa voiture, puis qui est là juste parce que c'est un bon ami du maire Lévesque. Donc, on va essayer de mettre ça de l'avant dans les prochaines semaines. On va se présenter au conseil au conseil municipal. Donc, t'as accepté l'invitation et tout ça. T'as rejoint le groupe. Oui, je leur ai dit, ça va me faire plaisir de partager des idées, de vous aider dans votre démarche. Fait qu'on est quelques étudiants de l'UQTR ou du cégep de Trois-Rivières qui vont essayer de se déplacer en bloc pour poser des questions, pour avoir des réponses qui tardent à arriver. Puis le groupe de pression, il te charge pas un montant forfaitaire à chaque message que tu leur envoies, comme un autobus, ou que tu sailles au coin de la rue ou à l'autre bout de la ville, c'est le même montant. Non, je fais ça par pur militantisme, okay. On peut dire, simplement par désir d'avoir la vérité, là, de se faire respecter en tant qu'étudiant quand même. On est juste à l'UQTR, tu sais, juste souvent ça, on est 13 000, 12 000, 13 000. Ouais. Mm-hmm. Si tu rajoutes le cégep, tu rajoutes un beau 2, 3, 4 000. Le collège de la Flèche, peut-être un 1500 à peu près. Ben, regarde, toute cette gang-là, ça fait quand même un poids intéressant dans la ville de Trois-Rivières. Là. Quelque chose qui peut mobiliser. Qui peut changer les choses. Ouais. Faire avancer. Faire avancer, c'est vrai. Oui, l'autobus. Et passer sur les trottoirs un petit peu à chaque coin de rue parce qu'il ne check pas trop ce qu'il fait. Mais un petit peu sur l'autopilote. Ouais, qui va avancer collectivement en commun. Là, oh, wow! C'est des commentaires positifs. Moi, c'est des pins contre les chauffeurs de bus qui sont pas tout en retard et qui les trottoirs. Mais bon, chacun son genre, des mots. Mais il y avait quand même une des dernières batailles des gens impliqués en transport commun. Ça a été tout simplement de pouvoir enfin mettre les horaires dans les abris d'autobus. Oh, ça, c'est parfait, oui. Vrai. Parce que avant même, tu allais sur le site internet de la STTR, il n'y avait pas d'horaire. C'était tout simplement dit, tu vas passer à toutes les 30 minutes à tel endroit ou à toutes les heures à tel endroit. Mais là, tu dis à partir de quand? je vais me présenter à telle heure et j'attends 30 minutes. C'est ridicule. Et puis, c'est bien beau le web 2.0 et tout ça. Cet web qui sûrement leur a coûté des dizaines de milliers de dollars, mais il est fait en flash. Fait quand tu vas là sur un iPhone, tu peux juste pas voir les affaires. Rien par tout. Là, tu peux oui, je sais pas si ça a changé depuis. Mais C'est lourd ça quand tu cliques sur un horaire d'autobus et ça lag. Oui, ça lag. C'est vraiment du gros flash. Puis là, tu veux zoomer, il faut que tu payes sur le petit plus parce que tu peux pas juste rouler avec ta roulette. Ouais. Là, non, pour vrai, la technologie n'est pas tellement présente à la CTR. Je suis un gars qui s'ennuie du HTML. Oui, moi aussi. Bon vieux Dreamweaver Frontpage. C'est comme ça que le web devrait être partout. Moi, je vais te laisser les commentaires informatiques. Moi, je suis pas c'est toi qui as commencé, mais ouais, même avis. Je vais juste plugger HTML, vous dire ouais, mais le PHP, CSS. C'est... Là, tu me startes, là, puis là, après ça, ouais, tu m'abandonnes. Oui, c'était pas Java, t'es dans marbre. Mets à jour ton Java. À chaque maudite semaine. Ouais, à chaque jour. À chaque jour. Donc, les gens qui veulent te laisser des commentaires, cher Laurent Constantin, qui t'entendent à la radio, t'utilisent dans le journal, ou ouais. qui t'écoutent dans le journal s'ils sont un petit peu schizophrènes. Ben, S'ils veulent me laisser un commentaire, il y a toujours le blog du Zone Campus, donc zonecampus.ca, et tous les articles sont là. Vous pouvez commenter mon article précisément ou tous les articles du journal. Oui, ben, sais-tu petit fait ajouté, on pourrait partir de l'intro de C'est un fait tellement c'est intéressant, mais que maintenant vous pouvez chercher par auteur, ben, vous pouviez déjà le faire en cliquant sur le nom de l'auteur. Ah, c'est bien ça. On pouvait déjà cliquer sur le nom de Laurent Constantin pour voir ses articles. Maintenant, il y a un menu déroulant avec tous les noms des auteurs. C'est plus facile encore de retrouver Laurent Constantin. Est-ce qu'il y a une petite bio de moi quand on clique sur mon pas encore, non. Ah, ben, c'est ça. Je dis ça de même, mais ça serait drôle. Laurent Constantin est né. Non, un culte de la nativité autour. Oui. Aimerait qu'on parle plus de lui autant que Paul Audet. Donc, on peut le laisser des commentaires, comme on dit, sur le blog. Ouais. Mon courriel est toujours en page 2 du journal. Et ben, vous pouvez toujours, cogner à ma porte. Oui. Je vais vous répondre. Laurent.constantin à UTA.ca, c'est plus simple que cogner à ta porte, mais comme tu veux. M'apostropher dans le corridor, ça me fait plaisir. Mais t'es pas d'apostrophe dans Constantin. Non, c'est vrai. Apostrophe Tantin. C'est pas comme l'autre journal, il n'y a pas d'apostrophe. C'est plutôt... qui écrivait pas Laure, hein? Il y a Facebook aussi. Oui, Facebook, écoute, je suis un gars qui a l'ami facile, fait que... Voilà. Ouais. Hey, j'avais un deuxième sujet aussi dans ma chronique. Je résiste, je ne partirai pas de cette tribune. Actuellement, il y a différentes campagnes à Trois-Rivières et partout dans le Québec pour venir en aide aux gens dans le besoin pour le temps des fêtes. C'est un classique. Oui, c'est un classique annuellement. Quand j'étais jeune, je participais beaucoup à ça. J'étais dans le mouvement scout et on passait à tous les hivers la guignolée au mois de novembre et on distribuait les paniers de Noël au mois de décembre. Donc, la guignolée, on a déjà vu ça dans les rues jusqu'à maintenant, c'est déjà député. J'imagine qu'à l'UQTR, ça va bientôt députer. Tous les fonds ramassés, la nourriture non périssable ramassée va aller à des étudiants qui sont dans le besoin. Donc, pour les étudiants dans le besoin, c'est d'aller se signifier comme étant dans le besoin, comme étant justement quelqu'un qui voudrait avoir une aide alimentaire. Et pour les gens qui sont... généreux. Ils sont généreux, merci, je cherchais un qualificatif. Ben, c'est d'aller les porter. Et je pense même que ça va rentrer dans la coupe des associations ou quelque chose. Ah oui, oui. Mm-hmm. On voyait l'année passée, je crois qu'il y avait des boîtes dans les locaux d'association où les gens pouvaient venir porter des trucs. L'assaut la plus généreuse gagne des points. Voilà. Donc, let's go les assos. Vous voulez gagner des points? Non. Moi, mes parents m'ont dit ouais, parce qu'ils donnaient du jus de tomate chez IGA. Il faudrait que je le boive d'ailleurs. Mes parents, ils en boivent pas. Okay. Donnez ça à guignoler. Ah, c'est bon. Fait que, écoute, on a eu ça gratuit au IGA. C'est pas un non périssable, mais quand même. C'est bon à boire pareil. Non, si c'est en canne. Non, c'était dans les bouteilles. Descends, c'est pas loin, là. Je veux dire, c'est pas comme si c'était pour dans 2 ans. Ça. Si c'est écrit réfrigéré en dedans de 24 heures. Non, mais ça se vend sur tablette, ça. C'est après ouverture. Après ouverture, oui. Ah, d'accord. Oh, t'as juste à le caler. C'est vrai qu'on a souvent cette réaction-là de « Ah, ça, j'aime pas ça, je vais donner ça aux pauvres. » Fait que, hey, on donnera pas genre, nos pommes de terre genre en poudre, là. C'est dégueulasse. Oui. Hein? Du jus de tomate, je trouvais ça bien. Oui. Tu mélanges les deux. Ouais. Et il y a aussi dans la région de Trois-Rivières, Noël du Pauvre, donc qui fait plusieurs campagnes de financement, qui va finir ça en gros show à la salle Thompson, là où je risque de travailler en plus. Un show qui dure à peu près... un bon 6h, 8h, en tout cas, c'est... Ouais, il y a des moments plus supportables que d'autres. Du matin au soir, là. Mm-hmm. Admission générale, donc vous pouvez rentrer là gratuitement. Tous les dons vont être le bienvenu pour le Noël du pauvre. C'est sûr que vous allez entendre des publicités, vous serez plus capable d'entendre ça, mais je voulais être le premier! Laurent Constantin! Alors, c'est tout pour moi aujourd'hui. Alors, je vous remercie encore, Mathieu, JP, je vous remercie encore. Je vous remercie encore, auditeurs... Lecteur. D'Assemblage requis. Ouais, lecteur du Zone Campus aussi. Et lecteur d'Assemblage requis pour ceux qui nous écoutent en version braille. Oui, c'est la nouvelle application. C'est ça. iBraille. Oui. Je trouve ça drôle sur un iPod, là. Je sais pas. Des sensations, là, je sais pas. Quand c'est kinky, sexy time, là. Oh, on diffuse des affaires obscènes sur notre version braille. Ouais, les gens capotent. C'est ça. Oui, capotent. Oui. Caoutchouc. Alors, en vous souhaitant une bonne journée. Oui. Merci, Paul Oud. Et on se revoit lundi prochain, Mathieu, JP. Oui, absolument. Monsieur, en forme, toujours. C'est toujours les lundis à 8h30. Merci, Laurent. Bonne journée. Bonne journée, à la prochaine. Dans quelques instants, ce sera Maxime Tanguay et sa chronique. J'ai tout le temps pour une chronique, mais avant ça, on s'en va entendre Mauve. Ah oui? Oui. Touchez-les sur votre application Braille, s'il vous plaît. Manège. Mauve et manège. Au retour, c'est Maxime Tanguay. Avec J'ai tout le temps pour une chronique. Ben là, il y a le temps. Fait qu'on va en profiter. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Toujours à Assemblage requis, toujours en compagnie de Jean-Philippe Charbonneau. Et Mathieu Plante. Oui, et toujours avec vous à la maison, où vous soyez les petits requins. Et vous vous êtes ennuyé, j'imagine, de notre ami Maxime Tanguay. Allô. Oui, le temps était long au lieu d'être gay. Oui. Hey, je suis désolé, c'est comme on dit au hockey, c'est blessure au haut du corps. Oh. Est-ce que t'en as mangé une comme Georges Larac Saint-Pierre, mais non, non, j'en ai pas mangé une comme Georges Saint-Pierre. C'est plus un style. Qui c'est qui a mal au dos, là, au hockey, là? Qui est fatiguant, qui a tout le temps mal au dos, là? Daniel Brière. Voilà. Ah oui, c'est ça. C'est plus comme Daniel Brière, commotion, mal de dos, commotion. Ben, j'ai pas eu de commotion, mais. Je parle tellement pour rien, le président. Non, c'est pas grave. Mais non, j'aime ça. Ah oui, en plus, patine. C'est qu'en plus, ça ressemble. Ça doit être pour ça que tu as choisi ce groupe-là pour ta chronique. Hein. On en parlera après. Oui. Donc, imite-nous, s'il te plaît, Maxime Tanguay. Dis-nous le nom de ta chronique en tant que gars qui se plaint qui a mal au dos. Bon. Ah, j'ai dans une chronique. Maxime Tanguay, c'est juste du temps pour une chronique. Oui, mais ça ressemblait vraiment à ça. Hey, mais j'ai vraiment. Avez-vous déjà expérimenté ça? Vous, un dos qui bloque? Non. Non, c'est qui bloque. Ben, c'est pas agréable. Je sais pas. Okay, ouais, un peu. Mais pas si c'est surtout que c'est pas arrivé, tu sais, faire une longue histoire courte. Ouais. J'ai eu un rôle d'animation à faire qui était très physique. Okay. Et j'ai pas l'habitude de faire ça. Donc, et comme je suis un peu débile, ben, je me donnais franchement trop pour ce que mon corps pouvait subir, mais j'avais pas de conséquences. T'sais, la première semaine, j'étais raqué, mais après, ça allait bien. J'étais comme, mon corps s'est habitué. Je fais de fort. Un samedi matin, je prends ma douche, je m'en vais sur Facebook, j'étais sur le divan, bien tranquille. Bang! Plus rien. Aïe. Le dos me bloque, me barre bien raide. Ça, c'est comme si tu faisais rentrer une grosse maudite aiguille dans le dos là, à plusieurs reprises. Là. Le souffle m'a coupé, fait que j'ai marché tout croche. J'étais allé m'accoter sur le corps de porte. Je regardais Alexandra, ma copine, en lui disant rien parce que je pouvais pas. Puis elle était comme, qu'est-ce que t'as? Puis j'étais pas capable de dire. C'était une magnifique, belle expérience. Voilà. Fait que fiez-vous à votre corps. Hein. Oui. Si jamais vous faites de quoi, puis après une semaine, vous êtes comme franchement trop raqué, puis que la semaine d'après, ça va bien, il se cache de quoi en arrière de ça. Ça aurait pu être beaucoup plus pire. Ça aurait pu arriver à un endroit vraiment inopportun. Ben oui. Je vois où tu vas en venir. Là. Comme? Je sais pas. Là. Aux toilettes. Ouais. Ben, le petit coin. Ben, oui, mais ça peut. Mais même juste à l'épicerie, là. OK. Tu sais, t'es en train de prendre genre un sac de chips, là, tu pars du dos, là, de quoi. Tu sais, t'es là. Ou ça aurait pu arriver pendant une scène que je faisais à Québec. Là, ça aurait été terrible. Oui. Là, plein de monde animé, t'es déguisé en mutant, puis là, t'as coupé, le mutant barre du dos. Ouais, ça fait peur, ça. C'est dans le rôle, c'est dans le rôle. C'est ça. Ça va, c'est dans la scène. Il a vraiment l'air d'avoir mal pour de vrai. C'est réaliste au bout. Ponk là, dans le dos, ponk là. Oui. Mais là, ça va mieux en ce moment. Oui, ben, correct. Moyennement, mais on est content pour toi que ça aille mieux. Ben, merci. Parce que c'est plate. On va avoir mal. Ben oui. Donc, Maxime Tanguay, j'ai tout le temps pour le chronique. C'est un segment où tu nous présentes de la musique pour mieux étudier tout au long de la session. Ben voilà. Ben c'est ça. Puis écoute, j'ai amené un groupe aujourd'hui, comme tu as dit, qui, sans m'en rendre compte, a un petit lien avec mon absence à tout le passé. Ben c'est vraiment drôle, c'est pour ça. C'est fun. C'est le Budo's Band. Budo's Band. Le Dose Band pue parce qu'il est. Il est Jackie là. Jackie, c'est genre. Donc, Budo's, B-U-D-O-S Band, pour les gens qui voudraient le chercher sur les internets. Donc, c'est un groupe. Écoute, je vais introduire ça en disant si Quentin Tarantino devait décider de quelqu'un pour faire sa trame sonore, ce serait Budo's Band. OK. Carrément. Vous allez reconnaître les touches un peu spaghetti western cabotin. Je vais vous dire ça. Vous allez reconnaître ça, surtout dans la deuxième chanson qu'on va entendre, mais bon. Donc, c'est un groupe de musique de New York qui vient de Staten Island à New York. C'est un collectif quand même assez volumineux. Il y a beaucoup de membres. J'ai nommé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ils sont 12. 12? 12. C'est, wow. C'est beaucoup, beaucoup de monde. Si maintenant il allait chez Renault Dépôt, il y en aurait 13. Il y en a un qui viendrait gratis. Faut vraiment être un client de chez Renault Dépôt pour connaître ce que ça veut dire. Mais non, mais 13 à la douzaine. C'est oui, c'est juste l'annonce. Pour de vrai, j'ai jamais expérimenté. Moi non plus, je suis jamais allé chez Renault Dépôt de ma 5. Moi non plus. Jamais. Mais je sais que ça existe. Ben, c'est là qu'on a pris Justine Renault. Chez Renault Dépôt. Okay. Ben, alors vaut pour 13, c'est ça. Un beau jassé. Et bref, donc, beaucoup d'instruments. Guitare électrique, batterie, conga, orgue, guitare basse, flûte, saxophone, trompette. Qu'est-ce qu'on a? Cowbell. Triangle. Saxophone, bariton. En tout cas, on a énormément. Shakira. Shakira? Shakira. Shakira. J'ai aucune idée c'est quoi le Shakira. Deepak Chopra? Non, mais j'ai pas fait ma recherche là-dessus. Je viens de le voir, mais j'ai aucune idée. Ah, c'est un. Ah, c'est les boules. Les grosses boules, là, que ça fait. Les grosses boules, tu frottes. OK. Ouais, okay. Une grosse. Avec des billes. C'est un Shakara. Donc, il y a un joueur de Shakara dans le groupe. Donc, c'est un groupe instrumental donc, qui a lancé trois albums intitulés de façon très originale Budos Band, Budos Band 2, Budos Band 3. Et eux autres se considèrent comme Afro Soul. Donc, tu as beaucoup de rythmiques africaines, mais pas avec les congos, les bongos, le shakara. Beaucoup d'influence africaine très rythmée, beaucoup sur les percussions. Mais c'est en même temps très soul au niveau de la musique des guitares. C'est des tonalités qui sont généralement quand même assez sombres, assez ténébreuses. Mm-hmm. C'est très bas, même la plupart de leurs instruments à vent ou à bois. Je ne veux pas offenser quelconque joueur de trompette ou saxophone. Il me semble que saxophone, c'est bois, puis trompette, c'est vent, mais je ne suis pas certain. Cuivre, pardon. Ouais. Cuivre, plutôt. Sax en bois. Ouais. Mais c'en est qui sont barytons, donc c'est quand même plus bas. Que des trompettes normales là, ou des saxophones normales. Et vont mélanger aussi, justement, il va y avoir du jazz, il va y avoir du funk, il va y avoir l'afrobeat. Il y a vraiment plein de styles de musique, à peu près juste pas de rock. C'est à peu près ça, le seul style qui est plus ou moins exploité par le groupe. Donc, ça donne des albums qui sont entraînants, qui vont donner qui donnent une ambiance. Là. Moi, ça pourrait être la trame sonore de ma vie bien souvent. Là. J'adore ça. En improvisation, c'est la musique que je vais utiliser aussi pour faire des ambiances sonores et pour étudier. Comme c'est instrumental, t'as pas d'accroche au niveau des paroles. Et comme c'est rythmé, mais ça peut des fois te donner un petit boost. Là, tu vas te dandiner le popotin tout en étudiant les parties du corps par cœur. Mettons, par exemple. T'étudies en quoi, donc? Pas en médecine. Ouais. Donc, c'est ça. Puis c'est un band qui est impressionnant à voir en spectacle également. Je les ai pas vus en direct. J'ai vu des vidéos KEXP, entre autres, la fameuse radio à Seattle qui reçoit souvent des groupes dont on peut avoir la performance live en vidéo. Et c'est hallucinant là, comment les gars sont je vais dire serrés au quart de tour, là, pour pas dire tight. Mais vraiment, c'est excellent. Très, très bonne musique, très entraînante. Donc, je vous offre deux chansons ce matin pour les faire découvrir. La première qui vient du Budos Band 2, deuxième album où il y a un magnifique scorpion. En plus, même les pochettes font Tarantino. C'est capotant. C'est vrai? Les trois pochettes. La première, c'est un volcan en éruption. Ça, c'est la moins pire. La deuxième, c'est un scorpion. C'est un album beige avec un scorpion dessus. C'est marqué Budos Band. Puis la troisième, c'est un cobra qui est dessus avec une pochette blanche. C'est vraiment, vraiment, vraiment très, très Tarantino. Ça me fait bien rire. Budos Rising, première chanson qu'on va entendre de leur deuxième album. Et ça sera suivi de Black Venom, tiré de leur troisième album. Donc, vous allez voir l'ambiance afro, jazz, soul, funk, deep fry, yo-yo, chicken. Deep fried chicken. Deep fried chicken, bitch. Voilà. On va commencer avec donc Budos Rising. J'ai tout le temps pour une chronique et la réponse est oui. We'll be right back. Alors voilà, c'était Bruce Ben, et non, vous n'étiez pas en train d'écouter Django Unchained. Mais ça ne ressemble pas totalement, là, je veux dire, il faut nuancer quand même. Là. Mais il y a un style. Il y a un style qui est là, tu sais, le genre de petit... je vois tellement une scène de char de début de film de Tarantino avec ces musiques-là. Ça fait c'est super bon. Ben merci. Bruce Ben. C'est moi le principal auteur-compositeur du groupe. Merci, merci Max. Non, donc voilà, Bruce Ben, quand même actif depuis 2005. Trois albums, si ça vous intéresse. Le dernier est sorti en 2010, donc je présume que le prochain devrait sortir bientôt selon leur moyenne de différence d'année de sortie de... C'est dit tout croche, mais vous m'avez compris. Ouais. Et... Puis, en fait, semble-t-il qu'il y a un album qui est en branle, qui s'en vient bientôt. Donc, j'imagine Bruce Ben 4. Qui sera présent bientôt sur les tablettes. Donc. Ce qu'il aurait dû faire, c'est Windows Band, après ça, Windows Band, parce que tu sais, DOS, après ça, Windows, après ça, Windows... Joke de geek! 7. Ben. Oui. Oui. Oui. Oui. Bruce Vista. Et tu vois, oh! Bruce Vista Social Club. Oui! Donc, voilà le groupe que je vous offrais cette semaine, si vous voulez, de l'Afro Soul. Vous avez écouté ce groupe-là. Il faut se procurer ça. C'est vrai que ça étudierait bien, j'imagine. Ou en tout cas, même faire de la cuisine. Ou tuer quelqu'un. On a reçu mes parents à souper il n'y a pas longtemps, puis j'ai mis ça en fond, puis ça fitait. Bon, c'est tout mis à faire des longs discours sur le pourboire, puis à se fusiller. Mais... non, mais sincèrement, vraiment, là, c'est une belle musique d'ambiance. Puis comme j'ai dit, c'est très inspirant, en fait. Ouais. Pour les artistes, en fait. Puis moi, personnellement, en improvisation, c'est une musique qui m'inspire beaucoup, beaucoup. Puis que j'ai utilisé quelques reprises déjà là, pour m'inspirer. Donc, ça va, c'est vraiment très cool comme band. Voilà, Bulldoze Band. B-U-D-O-S. Bulldoze Band. On a entendu les pièces Black Venom et Bulldoze Rising. Et voilà. Ceux qui cherchent les pièces en tant que tel. Et Maxime Tanguay, on te retrouve les lundis à 9h. Ici même à l'assemblage requis. Ouais, monsieur. On dirait un petit chien tout excité puis qui branle la queue. Wouh! Mais oui, j'aimerais être là. C'est oui. Génial. À moins que je sois encore blessé dans le haut du corps, mais ça devrait pas. On te le souhaite pas. Non. T'as pas un sub? Un substitut. On va rappeler quelqu'un d'Hamilton là, pour remplacer mes chroniques. Ah, ce sera pas bon pour mon pool, ça. Je m'excuse. Je m'excuse. Comme ceux qui ont pris Steven Stamkos, ça fait mal. Hein. En tout cas, bref. Parenthèse hockey. C'est cassé le tibia. Vraiment pas le fun. Vous avez pas vu, mais j'étais parti, j'avais quitté le studio pendant 30 secondes. Ah, c'est ça! Je pensais que c'était mes yeux qui avaient cligné. D'accord. J'avais pas remarqué. Donc, c'est ça. À lundi prochain, merci, Maxime. À lundi à vous autres, merci beaucoup. Cool. Il nous reste encore une dizaine de minutes à l'émission d'aujourd'hui pour Assemblage Requis. Juste assez de temps pour entendre un petit peu de musique francophone, pourquoi pas? Why not? Et j'aimerais ça te laisser un petit peu l'opportunité de choisir. Est-ce que tu vois d'ici? Est-ce que si je te tente, fais une translation latérale, est-ce que tu vois? Non, mais ce que je peux faire, c'est prendre cette feuille. T'es rempli de... T'es comme un débrouillard. T'es comme Superman dans Man of Steel. Oui, exactement. T'aimerais-tu ça, du Bradycardi? Ben, mais hein. Ben moi, j'aimerais ça aussi. Ben cool, quand ça aurait été parfait hein, que je dise, ben j'ai vraiment pas envie d'écouter ça moyennement, tout de suite. Moyennement. Non, c'est ça, j'ai le goût de ça. Cool. Ben, je te fais jouer ça. Ben cool. Veux-tu l'extrait du palmarès, ça? Ah ouais, donc. Moi, j'aimerais bien entendre Super Nova. Ben, Caroline, Super, ça va, pour moi. Parce que Nova, ça... Est-ce que t'étais en train de me répondre à un maître du micro? Non! C'était une joke de David Ferron? Inside! Là, je suis en train de me replacer... Tu sais, des fois, quand t'es assis trop longtemps... C'est le dos, hein? Non, c'est les boxeurs. Ah! Supernova, je m'éclate sans éclat. Je suis tout en émoi, car j'ai envie de toi. Alors que le monde tourne en rond, qu'à chaque fois j'entends ton nom. Sur ma patte molle, Supernova de Brady Cardi à Assemblage Rocky. Sais-tu que c'est une émission d'aujourd'hui? Oui! C'est une chanson de... De Brady Cardi. De, mettons, 3 minutes. Attends un peu, de... 3 minutes 4. Ah! Super, hein? On prend des notes aujourd'hui, on aime ça. Donc, on remercie ceux qui ont participé à l'émission d'aujourd'hui, c'est-à-dire Laurent Constantin. Oui. Avec Voyage au centre du campus. Maxime Tanguay. J'ai dit le top pour le gré. Il me fait des fingers, c'est pas fin, ça. Oui. Pas fin, ça. Mais on voit clairement qu'il est pas dans sa semaine. Parce qu'ils sont aussi longs que d'habitude. Parce qu'il y a le chandail rouge. Non, parce qu'on a vu dans une chronique, c'est un fait. Oui, ça, c'est un callback à il y a 1h30. 2 heures. 2 heures environ. Ouais. Oui, pour ceux qui suivent l'émission complète, on aime ça. Et moi, c'était une blague de chandail rouge. Ouais, puis moi, c'est une blague de fait. T'es passé par-dessus parce que c'était malaisant comme blague. OK. On remercie donc ces deux-là. Et puis, c'est tout pour les chroniqueurs d'aujourd'hui, malheureusement. Absence et autres. Oui. Demain à l'émission, on aura Marie-Laurence Audet qui va nous expliquer pourquoi le loisir c'est plus qu'un jeu dans sa chronique du même nom. Ensuite, Anne-Julie Durocher qui va nous parler de ce qui l'intéresse dans son segment L'Index d'Anne-Julie. Et Alexandra Carignan va cultiver nos esprits dans sa chronique Le Temps d'une Culture. On a aussi Mathieu Roy avec sa chronique de la GIA. Oui. C'est le plan de demain. C'est tout un plan. Oh, si, bon. C'est à partir de 6h30, en direct à partir de 7h30. Restez sur nos ondes parce que dans quelques minutes, à 11h, sera le Dîner de cons avec Danny Janvier. À 13h, c'est Les Précieuses Ridicules, le magazine culturel. À 16h, pardon, c'est Hors Zone, l'émission d'Indie Rock. À 17h, je vais être de retour avec Stéphanie Paradis pour l'édition New Shit des Palmarès. C'est fou. À 18h, c'est la nouveauté Mamselle Blues. À 19h, le Voyage Insolite. Et à 20h, Rock de Neurones. Je crois qu'on a oublié de mentionner l'autre chronique de Maxime Tanguay au Dîner de cons, n'est-ce pas? C'est quand, c'est où, ça parle de quoi? C'est à midi, c'est des découvertes. C'est qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans mon iPod? Des découvertes X de musique sans préjudice ou... pas de racisme, rien. Pas de racisme, pas de... Non, voilà. Et ça, c'est que... aujourd'hui à midi? Oui, c'est tous les lundis midi avec le merveilleux Danny Janvier. Wonderful! Wonderful. Oui! Allez voir cif.ca. Pour la programmation complète. Et assemblagerequis.com. Pour les notes de l'émission et la balado-diffusion. À demain. Bye Mathieu. Hey, je t'ai dit, on est sur Facebook? Oui. Cool. Facebook.com/assemblagerequis. Oui, ça va. Facebook.com/ c'est fou. Aussi, FM, je pense, par exemple. Bon. Ouais. Pas grave. Trouvez-le. Retiens tes adresses. Trouvez-le. À demain.